Bonjour, j'aimerais maintenant aborder le triangle dramatique de Cartman. Ceux qui ont étudié la psychologie au niveau de la dynamique de groupe ou encore la sociologie, que ce soit à l'université ou à titre d'autodidacte, connaissent le triangle dramatique de Cartman. Mais la pensée institutionnelle étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une rentabilisation d'une main-d'œuvre, si on peut dire, eh bien, il y a certaines choses qui ne sont pas dites, comme par exemple les structures auxquelles cela aboutit. Comme par exemple, ce que je vais vous demander, pour ceux qui connaissent le triangle dramatique de Cartman, c'est d'en faire un carré. Donc, ceux qui connaissent le triangle de Cartman savent qu'il y a trois rôles. Il y a le sauveur, le bourreau, la victime. Je vous demande d'ajouter un quatrième rôle, celui qui se dit neutre et impartial, comme par exemple un commissaire, un arbitre, un juge. Et là, déjà là, vous allez obtenir une forme qui permet d'étudier la dynamique de groupe d'une façon qui va beaucoup plus loin que le triangle dramatique de Cartman. Maintenant, considérez qu'il y a un cinquième rôle. On prend le carré, on en fait un pentagone. Le cinquième rôle, c'est celui qui n'est pas, qui ne dit rien qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le contrôleur, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de la systémique, c'est-à-dire celui qui est scient du système. Donc, devant lui se trouve un quadrilatère avec quatre rôles, soit le sauveur, la victime, le bourreau et celui qui se dit juste et impartial. Si vous prenez un pentagone et que vous retranchez une pointe en le coupant, vous aurez devant un contrôleur un trapèze. C'est ce que dans certains groupes fermés, on appelle le trapézoïde. Donc, puis vous pouvez vérifier là, de façon empirique, ceux qui ont appris à travailler là, avec le triangle dramatique de Cartman, vous prenez le trapèze avec les quatre rôles, soit le bourreau, la victime, le sauveur et celui qui se dit juste et impartial, et vous allez pouvoir aboutir là, à une étude qui va beaucoup plus loin là, qu'avec le simple triangle de Cartman. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais, dont on ne parle jamais dans le grand public. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de publication dans le grand public qui en parle. Et pour ceux là, qui ont un peu de suite dans les idées, eh bien, c'est ça, le trapézoïde. Et puis, celui là, qui comprend ces formules-là jusqu'au bout, car ce ne sont pas des choses ésotériques, là, c'est des choses très très concrètes. Il s'agit de techniques, là, comment je pourrais dire ça, de sociologie appliquée là, pour. Enfin, ceux qui comprennent ce que je dis, là, vous vérifierez là, au niveau là, de votre analyse, et puis vous verrez par vous-même que c'est non seulement c'est appliqué, mais personne ne. Même les psychologues, là, si vous voyez, si vous connaissez là, des psychologues, là, que vous en voyez un ou que vous avez dans votre entourage là, des gens qui ont fait de la sociologie et que vous leur dites que le triangle de Cartman peut devenir un quadrilatère avec un quatrième rôle, soit celui qui se dit neutre, juste et impartial, comme un arbitre, comme un juge, comme un commissaire, un ministre de la justice.